Vous savez, on a tous parfois du mal à dormir. Vous savez, on a tous parfois du mal à s'aimer. Vous savez, on a tous parfois du mal avec la vie. Et c'est là la force du whisky.